Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo sur le 107 FM. Et coucou à tous ceux qui nous écoutent via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Alors oui, je suis en vacances, oui, je ne suis pas parmi vous ces prochains jours, en ce moment en tout cas, mais je vous ai préparé une petite émission pendant ces vacances pour ne pas oublier un petit peu la chaleur que la bulle a envie de vous amener. On se fait transporter très très loin aujourd'hui dans la bulle, car avec nous au téléphone, Dobé Niaoré. Alors Dobé, c'est une artiste très très polyvalente, elle a un parcours vraiment exceptionnel, vous le découvrirez tout au long de cette émission, et surtout son nouvel album Midziki sort le 4 mai. C'est son cinquième album, pour faire un petit tour rapide avant l'écoute de cette émission. En 2010, Dobé remporte quand même un Grammy Award. La même année, le journal The Guardian sacre sa performance meilleure prestation du festival WOMAD. On parle de ses chansons, de ses inspirations, de son prochain album. On parle aussi de la place de la femme dans le monde. Une interview très très riche de sens, et je remercie encore mille et une fois Dobé qui m'a accompagnée durant cette interview. J'ai été vraiment ravie de pouvoir faire cette émission avec elle, même si c'était au téléphone. On a quand même vécu un moment très très fort, et je pense qu'il sera partagé aujourd'hui avec vous tous. Je vous laisse à l'écoute de cette émission consacrée à Dobé Niaoré, mais pas que. Très bonne écoute, je vous fais de gros gros bisous. Et aujourd'hui, on se lance dans une bulle pleine de musique, de sonorité d'ailleurs, car aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi l'artiste Dobé Niaoré, auteur, compositrice, interprète. Dobé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, on parle aujourd'hui de votre album Midziki, qui sortira très prochainement, le 4 mai. Alors, je cite, l'Afrique a ses voix féminines internationalement reconnues, et la vôtre, Dobé, l'a marquée de son empreinte. Avec Midziki, vous faites résonner des sonorités africaines mêlées de samples électroniques, un subtil mélange qui dévoile une musique à votre image libre. Waouh! Ça donne très envie. Alors Dobé, vous avez hérité un petit peu de la force des traditions bété de votre père, qui était chanteur et maître percussionniste. C'est ça. Votre amour de la musique, il vient de là-bas, de votre papa. Mm-hmm. C'est ça? C'est ça, exactement. Mon père est celui qui m'a inspiré, celui qui m'a donné envie d'être musicienne, artiste complète. Et franchement, j'ai eu la chance d'être bien entourée, bien encadrée, bien formée. En Côte d'Ivoire, où j'ai appris le théâtre, la danse, la percussion, la musique, la pratique, et ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et c'est avec ça que j'ai continué ma carrière. C'est avec mon père toujours, qui est toujours là à m'épauler. Oui. Et, parce que cet album, ce cinquième album, Midziki, est chanté en cinq langues, est chanté quand en bété par rapport à mes précédents albums, qui était chanté en sept, en huit langues, et celui-là, il est que en bété, et c'est mon père qui m'a fait aider pour la traduction, qui m'a aidé pour les rythmiques, et qui m'a aidé pour pas mal de choses. Donc il est toujours là, et il m'épaule toujours. Ah, c'est chouette. Et avant de continuer cette émission exceptionnelle avec notre artiste aujourd'hui, Dobé Niaoré, je vous propose de vous lancer avec moi dans une première bulle de son. Une chanson tout droit tirée de cet album, Midziki, album qui sortira le 4 mai, vous l'avez bien compris. On s'écoute le son Midziki, sorti de cet album, porte le nom de cet album, une très très belle chanson, Midziki, c'est l'amour que porte Dobé pour la musique. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Long diable. Nidiki, tout le droit sorti de l'album de Dobé qui sortira eh bien, le 4 mai. Eh bien, Nidiki, ça porte cet album porte ce nom, je vais y arriver. Et voilà, je vous laisse bien entendu découvrir son incroyable parcours et puis ses sonorités complètement venues d'ailleurs pour notre plus grand plaisir. On se replonge dans cette interview incroyable avec notre artiste aujourd'hui, Dobé. Alors, donc vous avez été formé aux arts de la scène au sein de la compagnie Kiembok, donc comme vous venez de le dire. Un jour, eh bien, vous rencontrez Colin Laroche de Féline, qui est guitariste français et qui est venu s'imprégner des musiques africaines, qui sera le guitariste de Kiwi pendant 3 ans et avec qui vous composerez vos premières chansons. C'est ça. C'était un moment magique parce que bon. Il m'a apporté les notes sur ma mélodie, il a apporté la musique, il a apporté son savoir, et ça c'était génial parce que bon, moi j'avais cette formation là du Ki qui est très traditionnelle, qui est dans la pratique et moins théorique et tout, et avec Colin c'était la connaissance des notes, la connaissance du solfège. Et oui. Et il m'a apporté tout cela et dans la composition, comme c'est aussi un amoureux de la musique africaine. D'accord. Donc du coup, il a grandi aussi dans le milieu congolais. Donc du coup, il a apporté son côté classique et son côté afro. Et dans ma musique très un peu avec le Ki, on avait droit à interpréter les musiques traditionnelles, à s'inspirer des musiques traditionnelles, mais le plus important au Ki, c'était de développer son savoir à la création, c'est-à-dire inventer des choses, créer des choses, soi-même être fier de ce qu'on imagine, de ce qu'on crée. Et c'est beaucoup ça qui a fait qu'aujourd'hui, dans mes Ki, je me suis laissé emporter dans mon émotion, dans ma création. C'est une musique qui peut être reconnue par les mélomanes, mais en général, ce que je fais, c'est je chante, j'ai beaucoup de styles, je pars du reggae à la musique folk, et je fais de ça une musique tradie, musique africaine, musique qui vient de moi. Oui. Et c'est vraiment plusieurs influences qui font ma musique, en fait. Oui. Plusieurs influences, plusieurs inspirations. Et avec l'accord et l'apport de Nicolas Repac qui lit tout ça avec les samples, j'ai trouvé ça génial et pour moi c'est un de mes meilleurs albums. Ah oui, un très très bel album, ça je vous le confirme après l'avoir écouté en boucle. Voilà, aucun souci, un très très bel album. Alors à quel moment vous êtes-vous installé en France et pourquoi? Ah ben je me suis installé en France il y a de cela 19 ans à 20 ans, je me suis installé par amour en fait. Parce oui. Avec Colin Laroche de Féline, après la musique et la création, et voilà, il y a eu un peu d'affinité. Ah. Et donc nous sommes venus en France, j'étais enceinte, assez jeune. Nous sommes venus en France parce que bon, là-bas j'avais beaucoup le palu et oui. J'étais enceinte, donc j'ai dit bon, venir en France serait mieux. J'accouche et on retourne à Abidjan. D'accord. C'était ça notre but au départ parce qu'on se sentait super bien à Abidjan. Avant les événements, avant la guerre et tout, c'était le paradis quoi. Vivre à Abidjan, c'était vraiment le pied, comme on oui. dit. et du coup on est venu en France et les événements en Côte d'Ivoire ont éclaté. Du coup, ça nous a permis de rester, de faire notre petit équilibre ici, sortir des albums, travailler avec Contre-Jour, faire notre petite sauce et tout, oui. Tous les deux. Et ça a bien marché, on a fait 4 albums comme ça. Et oui. Ça a super bien marché avec Contre-Jour, on a fait presque le tour du monde, on a fait presque 800 à 1000 concerts dans le monde et tout. Et donc, et on a eu un Grammy entre-temps, ça s'est super bien passé, la et collaboration oui. et tout. Donc, avec le Grammy, avec tout ce qui s'est c'est bien passé, de bien avec Colin. Je me dis, bon, j'ai bien choisi mon métier. Quand même. Oui. Je suis vraiment heureuse. Parcours incroyable qu'évoque avec nous aujourd'hui eh bien, Dobé Niaoré, un autre artiste mis à l'honneur d'aujourd'hui, sorti de son album le 4 mai, se nommant Nidiki. Vous l'avez compris, elle retrace eh bien, l'amour qu'elle a pour l'Afrique et aussi le BT, hein, sa langue maternelle dont elle nous parle. Alors, on se fait plaisir dans cette émission aujourd'hui. On sort plein de sons de cet album vraiment magnifique. Le prochain se nomme Akissi, la rebelle, et parle eh bien justement de la rebelle qui sera toujours en elle. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà pour ce son Akissi, la rebelle, tout droit sorti de l'album de notre artiste d'aujourd'hui, Dobé, dont je vous laisse encore écouter le flux de paroles tellement beau. Voilà, elle nous envoie un très très beau message aujourd'hui avec cette interview. On se retrouve tout de suite avec Dobé. Alors on va retracer un petit peu les choses. Donc en 2003, donc vous signez avec la maison de production Contre-Jour dont vous venez de parler là à l'instant, avec laquelle vous sortez 4 albums quand même. Et puis ce fameux Grammy Awards, eh bien vous le remportez avec la chanteuse américaine India Arie qui a repris une de vos chansons. Ça a dû être un moment très très fort pour vous. Oui, ça fait partie des moments forts dans une vie. Hein, et oui. Pas oublier. C'est J'étais sûr. Encore dans ma petite maison dans la campagne ici et je vois sur les réseaux sociaux « Ah, Dobé, c'est trop cool, je suis à la campagne à côté des vaches et on entend parler de mon nom dans un grand lieu là-bas » et c'était vraiment la magie pour moi. Et c'est vrai qu'après, il y a des portes qui se sont ouvertes, des connaissances, des collaborations et tout. Et surtout, ça donne la foi, ça donne le courage de continuer dans le choix musical qu'on a choisi, Colin et moi, c'était suivre les traces de Lokua Kanza, de Relema, du village qui entre le traditionnel et le moderne. C'est un peu comme une musique, on va dire, contemporaine, africaine, parce que voilà, on est un peu dans toutes les sauces, et c'est une musique qui vient de notre cœur. On compose, on crée nos propres sonorités en s'inspirant de l'Afrique. Et donc c'est vraiment une musique qui n'est pas forcément africaine, qui n'est pas forcément européenne, et il faut qu'elle soit aimée. Oui. Et après le Grammy, ça nous a donné foi, quoi. On dit, on continue dans notre métier et c'est ce qu'on a choisi. Eh oui, ça c'est sûr. La même année, donc cette année 2010, le journal The Guardian sacre votre performance meilleure prestation festival WOMAD quand même. Ça a été une très bonne année cette année 2010 pour vous, Dobé. Et puis, on est heureux que vous ayez continué dans la musique, nous aussi, hein, pour découvrir cet album Midziki qui sortira le 4 mai. Donc c'est très très prochain. Dessus, il y aura 12 titres. C'est un nouveau virage que vous prenez avec ce cinquième album. Et voilà, on peut déjà, d'ailleurs, je vais y arriver, le précommander sur votre site. Alors, combien de temps y a-t-il fallu de composition pour cet album ? Bon, ça prend toujours du temps, hein, parce que bon, ce sont des langues, à chaque fois que je chante en une langue, ce sont des langues que je ne parle pas. Oui. Malheureusement, le bété, je l'ai parlé étant enfant, avec la, entre guillemets, l'intégration arrivée à Abidjan, parler français et voilà, tout ce qui suit. Oui. Ça fait qu'après, la langue est partie. Donc, c'était pour renouer un peu avec ma langue maternelle que D'accord. J'ai chanté en bété pour cet album-là, oui. D'accord. Vous aviez oublié votre langue, la langue que vous parliez en étant enfant. Oui, la langue que je parlais étant enfant. Elle est encore là, elle a encore des traces. Je peux communiquer avec mon père et tout. Mais la grande partie pour pouvoir bien parler et tout, voilà, pour bien communiquer, ça je l'ai plus donc, et je ne suis pas la seule. Et en Côte d'Ivoire, c'est un éternel problème en ce moment parce que avec le fait de vouloir parler le français, de vouloir l'intégration, ressembler à nos colons, entre guillemets, qui fait qu'à un moment donné, les parents ou l'école ou l'éducation ne suivent plus le fait que on a aussi des origines à défendre, des traditions à défendre, et que nos enfants gardent cela. Et je ne suis pas la seule, les enfants de ma génération ont ce même problème-là en Côte d'Ivoire. Et c'est pas que le seul problème des colons, quoi, patate, les Français, les patate, patata. Oui. L'autre problème, c'est aussi un des problèmes qui fait aussi la richesse, la diversité de la Côte d'Ivoire, c'est le fait qu'on a 72 dialectes en Côte d'Ivoire. Eh oui. Voilà, énorme. On a 72, donc c'est énorme. Donc, heureusement, il y a une langue véhiculaire qui nous aide à tous communiquer, qui est le français. Mais ça fait qu'après, nos langues principaux comme le bété, le djoula et le baoulé qui doivent être mis en avant, malheureusement, se perdent petit à petit. C'est un peu dommage. Vous pensez qu'arriver en France, les gens qui ont choisi de devenir en France devraient pouvoir continuer à pratiquer leur langue, à l'apprendre pour les enfants ? Je pense, oui, ce serait bien. Dans une famille, si les deux parents parlent, de toute façon, en tant qu'Africain, les deux parents parleront toujours deux langues différentes. Ça c'est clair, mais ce serait bien que les enfants aient une notion au moins de leur langue traditionnelle, entre guillemets, quand ils sont en France ici, et être fiers, pour pouvoir être fiers de leur langue. C'est bien aussi d'aller vers d'autres cultures comme le français, apprendre le français, bien communiquer. Ça nous permet à tous de communiquer en France, à La Réunion, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout. Mais c'est bien aussi qu'on ait, voilà, un pays comme le Sénégal, ils ont le français, mais ils ont aussi le wolof. Oui. Voilà, donc le Wolof permet à plein de gens de communiquer, à tous les Sénégalais de communiquer entre eux. Donc ce serait bien que nous aussi on choisisse ou ces trois langues-là, qu'elles soient plus présentes en Côte d'Ivoire, ou qu'on choisisse une langue, soit le djoula, soit le bété, mais qui soit enseignée aussi à l'école avec les histoires, avec l'histoire de la langue qui va avec, et pour que on soit encore plus fiers de notre continent, encore plus fiers de nous. Et vivre avec ses racines. Vivre avec ses racines, mais vraiment, faire les deux, parler français, connaître la France, parce que bon, on a aussi ce côté-là, ils font partie aussi de la Côte d'Ivoire, les Français, et la langue française, on va pas le nier, on va pas le renier, la francophonie, mais parler aussi nos langues traditionnelles africaines pour que demain on ne dise pas que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'est rien, l'Afrique est noire, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Donc ça fera partie aussi de notre valeur à sauvegarder. Eh oui. C'est un très beau message aujourd'hui que vous passez, Dobé. Je suis ravie de vous entendre dire tout ça. Alors pour continuer, eh bien on s'écoute tout simplement un nouveau son sorti de cet album Midziki. Cette fois-ci, ça sera la clé qui parle d'un amour qu'aurait perdu Dobé et puis d'un autre retrouvé. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Sortie de l'album de Dobé, de son nom Miziki, qui sortira, vous l'avez bien compris, eh bien, le 4 mai, c'est très très prochainement. On n'attend pas plus d'une seconde encore pour se relancer dans cet échange vraiment incroyable que j'ai eu la chance d'avoir avec notre artiste Dobé. J'espère que cet échange vous plaira également à vous. Des messages très très beaux aujourd'hui passés par cet artiste. On se replonge tout de suite dans cette interview. J'imagine que bien de chanter cet album en BT, ça a dû réveiller beaucoup de choses en vous. Oui, parce que oui, le BT, c'est une langue qui chante naturellement. Oui. Et dès qu'on l'a pas, elle chante naturellement. Et il y a comme ça des langues africaines où t'as pas besoin de beaucoup composer, que la langue elle-même elle chante, elle te donne la mélodie toute seule. Oui. Ou la rythmique toute seule. Et ça c'est génial. Pour composer, c'est comme le Swahili, par exemple. Le Swahili, t'as pas besoin de trop chercher la mélodie, tu juste la parles et que la mélodie vient avec. Vous l'avez composé seul, cet album? Là, oui, je l'ai composé seul. Nadré aussi, le précédent, et celui la seule. Et j'ai eu la chance d'avoir Nicolas qui a fait... il a composé, il m'a aidé sur la composition de 2 à 3 titres. D'accord. Mais il a surtout fait de la direction artistique et... et l'arrangement sur certains titres. Et je trouve ça génial parce qu'il a donné un fil conducteur à mon album avec tous ses samples. Il est très doué, il connaît tous les rythmes, les sons pygmées et tout. Donc franchement, ça m'a donné voilà, le fil conducteur de mon album, quoi. Nicolas Repac, qui a réalisé Mindziki, donc le prochain album de Dobé que nous avons la grande chance d'avoir au téléphone, qui sortira le 4 mai, très prochainement. Avec qui avez-vous collaboré encore sur cet album ? Avec, les musiciens, bon, déjà que Nicolas a choisi, ce sont des musiciens que je ne connaissais pas, donc... J'ai eu un Cubain, un Brésilien, un Français et tout, ouais, des personnes de Nice et tout. Donc, c'est c'était génial. Génial parce que oui, ce sont des gens que je connaissais pas, du coup, et c'était des super bons musiciens. Et, via eux, ça m'a permis de connaître d'autres musiciens. Ils sont venus au concert aussi, au Café de la Danse le 14 mars dernier. D'accord. C'est un super concert. Et on a gardé les contacts, donc ça, c'est cool, ça. Et c'est ça, de travailler avec de nouvelles personnes, automatiquement, tu as d'autres connexions qui se font, quoi. Ça, c'est chouette. C'est un album multiculturel, avec des musiciens venus des quatre coins du monde. Ça, c'est génial. Et vraiment, cet album, il est très, très agréable à écouter. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous rendez hommage à l'intérieur de cet album. Alors, aux principales causes, l'Afrique riche, généreuse, unifiée et la force des femmes africaines, entre autres. Et ça, c'est un très très beau message. Il y avait des grands messages comme ça. Il y a des grands messages comme ça qui seront présents sur cet album de la femme en Afrique. De quoi ça parle vraiment cet album Mindziki? Bon, Mindziki, c'est déjà Mindziki en lui-même, il signifie la musique. Donc pour moi, la musique n'a pas de frontières et on doit s'inspirer d'elle pour pouvoir aussi recréer notre société parce qu'on a trop mis de barrières, trop de frontières. D'accord. Parce que la musique, elle est partout, elle fait partie de nos vies. Quand on est triste, quand on est heureux, elle est là. Quand on se marie, quand on a un décès, elle est toujours là, la musique. Donc, c'est la musique vrai. N'a pas de frontières. Et les principaux textes qu'il y a dans cet album, je suis toujours touché par la cause des femmes et des enfants. Ça, je ne peux pas l'enlever de mon émotion. Oui. Elle m'accompagne. Je parle aussi de l'éducation en Afrique. D'accord. Surtout, c'est un de mes... Bon, disons que c'est mon... Combat. Mon combat en ce moment, oui. C'est l'éducation. Parce que je trouve que pour éviter beaucoup, déjà, l'immigration, on peut éviter qu'on parle mal de l'Afrique et qu'on nous traite de noirs et de pas cultiver et tout. La première des choses à faire pour notre génération à venir, ce serait de former notre génération, leur donner l'éducation, leur donner la formation, leur donner la connaissance, pour que on ait des parleurs, des penseurs pour l'Afrique, des penseurs, des gens qui demain qui vont relever l'Afrique à son niveau, parce qu'on fait partie du monde et on apporte beaucoup au monde, le monde nous apporte aussi beaucoup, donc on doit faire partie de la société, on doit nous compter parmi les gagnants et parmi les meilleurs. Et pour ça, il faut qu'on soit éduqués, il faut que nos enfants aillent à l'école. Par exemple, un tout petit exemple qui est qu'en Afrique, l'école est payante. Ah oui? En Europe, l'école est gratuite. D'accord. Voilà, donc ça c'est un des choses. Pourquoi c'est payant en Afrique? Je ne sais pas pourquoi, mais normalement ça doit être gratuit parce que ça donnerait accès à tous les enfants à l'école et ça permettrait qu'il y ait moins d'enfants esclaves parce que il y a des enfants dans les rues qui demandent de l'argent, hein, qui aident les parents à qui demander ceci, cela, et surtout les enfants dans les marchés, les enfants esclaves dans les marchés qui soulèvent des sacs de riz, des femmes qui font leurs courses, ils payent 2 € à l'enfant et l'enfant prend des kilos encore plus lourds que lui et qui accompagne la femme jusqu'à on essaie de s'en sortir, c'est pas négatif en même temps, les gens tant bien que mal essaient de s'en sortir, un enfant avec une famille. Des enfants avec une famille qui n'a pas d'argent, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas parce que la société est comme ça, et les enfants sont là, les enfants essaient de se débrouiller pour envoyer de l'argent à leurs parents aussi, donc c'est une force d'esprit que l'enfant développe, donc c'est positif en même temps, c'est négatif. Mais pour que l'enfant ne développe pas cette force d'esprit qu'un adulte doit développer, il faut que l'enfant soit à l'école. C'est vrai. Déjà ça. Et dans une famille, il y a, on sait bien en Afrique, il y a entre 4 et 3 et 6, 10 enfants dans une famille. Et oui. Voilà. Donc c'est une famille que le père travaille un travail modeste, la mère est enfant à la maison et s'occupe des enfants. Le père ne peut pas payer juste à lui seul le loyer et la scolarisation de 10 enfants. Pas possible. Voilà. Et ici, les Français, l'Europe a compris que l'avenir appartient aux enfants. C'est vrai. Même au pays comme en Norvège, comme les pays du Nord, là. Oui. Comment ils éduquent les enfants, c'est génial, c'est génial. Donc, je veux dire que nous, comme en tant qu'Africains, on a toujours, entre guillemets, pris l'exemple sur l'Europe et la France, nos colons, pour pouvoir devenir, pour pouvoir être. Oui. Donc, prenons des bons exemples, des bons exemples. Quel beau porte-parole. Voilà. En espérant que la parole de Dobé soit écoutée, voilà, au plus grand nombre. Donc, vous parliez de combat pour scolariser les enfants. Comment ça se déroule, ce combat? Est-ce qu'il y a des actions, des événements que vous créez pour les aider? Bon, moi seul, je ne peux pas faire grand-chose. Oui. À part parler, chanter, envoyer la bonne énergie et la bonne humeur. C'est déjà beaucoup. Je ne peux que faire ça parce que je ne suis qu'une artiste avec les hauts et les bas. Oui. Une artiste je ne suis pas Beyoncé. Si je fais Beyoncé, à ce moment-là, je ferai des écoles à chaque arrondissement, ça c'est sûr. Mais comme je ne suis pas Beyoncé, la seule chose que je peux faire, c'est, je vais dans des écoles et quand je vois qu'il manque des ardoises, des craies, des trucs comme ça, on essaie de payer. Je suis marraine d'une orphelinat. Quand je vois que les enfants manquent de ceci et cela, j'essaie de donner. Et pendant des années, j'ai donné des cours de danse à des gens, à l'orphelinat des filles des Grands Bassam, pour qu'elles aient aussi le côté sportif, le côté... même si dans l'école normale, ça ne marche pas, on sait que dans l'art, ça peut aussi marcher si on est bon dans son métier. Donc voilà, des cours de danse, des petites donations, comme si parlaient par-ci, par-là et tout. Les petites choses que je peux faire, je les fais, mais je sais pas encore mon rêve, ce serait de faire encore plus. Et oui. Mais je ne peux pas encore, donc je fais à mon niveau, avec mes moyens. Vous rassemblez à travers la musique, parce que cette musique, c'est une langue universelle, la musique, hein, c'est une langue qui parle à tous, et bien grâce à ce que vous faites, et bien le message passera forcément, et on espère au plus grand nombre, voilà, avec voilà, pour toute l'Afrique et ses enfants et ses habitants que l'on salue, que l'on aime beaucoup, beaucoup. Et justement, pour rendre un petit peu hommage à ces enfants d'Afrique et un petit peu à toutes leurs conditions de vie, en tout cas les enfants dont Dobé nous parle aujourd'hui, eh bien on va écouter un nouveau son de son album qui se nomme Éducation, hein, et qui pour Dobé est l'indispensable à l'émancipation. On écoute ce son tout de suite et on se retrouve juste après. Y'a belle, mais tu es ça, et y'a tu. t'amuser, faut pas t'amuser, faut pas t'amuser. À l'école, on travaille, à l'école, on barra. À l'école, on travaille, à l'école, on barra. Faut pas t'amuser. Éducation, titre tout droit sorti de l'album Miziki de notre artiste Dobé. On voit bien l'importance à travers ce titre eh bien, de l'éducation, du fait d'aller à l'école et surtout de l'accessibilité à tous les enfants de pouvoir fréquenter ces écoles-là. On se retrouve tout de suite avec l'intervention de Dobé. C'est reparti pour la suite de cette émission. Je comprends bien que vous retournez de chez vous de temps en temps là, pour aller voir les enfants sur place. Pour vous pouvez pas rester toujours au même endroit. Vous avez beaucoup besoin de voyager. J'ai beaucoup besoin de voyager. Oui, à force de depuis l'âge de 17 ans, je ne fais que voyager. J'ai 36 ans aujourd'hui. Ah oui. C'est devenu une drogue. Je ne voyage pas, je pète les plombs. Une globe trotteuse. Voilà, donc heureusement avec mon métier, je vais un peu partout. Donc c'est cool, demain je vais à Abidjan pour 10 jours. Ah oui, super. Voilà, donc j'aurai 2 concerts là-bas. Je vais profiter pour aller voir l'orphelinat et puis une autre école à la Palmeraie qui a besoin d'aide aussi. Donc voilà, c'est pas grand-chose, quoi, 200-300 euros, on paye 2-3 trucs, et puis on le donne, on peint un peu, on va repeindre un peu les codes et tout ça, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est chouette. Voilà, donc on va faire ça dans les 10 jours, là, et puis ce serait cool. Eh ben oui, vous allez chanter certaines chansons sorties de cet album Miziki. Ouais, je veux faire que ça, parce que j'ai eu la chance avec... de pouvoir mettre sur scène un DJ entre guillemets, oui. Un gars qui fait, donc du coup je peux refaire exactement l'album et ça c'est cool, j'avais jamais eu ça avant. Ah oui. Voilà, donc là les moyens sont déployés là. Ça c'est super. Donc là voilà, donc là je vais défendre l'album. Ouais. Est-ce qu'il y a un titre phare sur cet album? Ah, moi j'aime tout. J'aime tous mes titres. Tantôt, moi, je parlais éducation parce que le côté rythmique, parce que le côté message est important. Oui. Je vais parler lobé parce que le côté rythmique aussi, qui rappelle un peu tantôt l'Afrique du Sud, tantôt le Madagascar, tantôt le Brésil, on ne sait pas où j'allais dans ces rythmes. Oui. J'aime aussi lobé, j'aime love, qui est entre le reggae et le jazz. Et oui. J'aime aussi j'aime tous les titres. Pas facile de faire un choix. J'aime tous les titres. Il n'y a pas forcément de titre phare, mais j'aime. Après, c'est à chacun d'apprécier. Eh oui, oui, oui. Ouais. Alors, vous le dites très bien que vous voulez faire rêver les gens en demeurant une artiste libre. Eh bien, mission accomplie, charme et mélodie en prime sur cet album Miziki que vous présentez en ce moment et qui sortira le 4 mai. Et je vous invite vraiment à aller écouter tout cet album qui est vraiment superbe. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors, vous partagez cet album sur cet album un nouveau pan de votre personnalité, on dit ça, parce que vous parlez vraiment de ce qui vous tient à cœur sur cet album. C'est ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est la femme d'abord au devant. Je crois que la femme, sans la femme dans cette vie-là, c'est-à-dire une vie sans une femme, ce ne serait pas une vie pour les hommes. Voilà. Oui. Entre guillemets. Donc pour moi, c'est reconnaître la place de la femme dans notre société, arrêter de la stigmatiser, c'est ça le mot. Oui. Et arrêter de la mettre à l'écart, arrêter de pas comprendre la force et la foi qu'elle amène au monde. Et quand je vois des femmes féministes récemment au Brésil, je crois que c'était au Brésil, féministe qui a été pendue, exécutée. Je trouve que c'est pas normal parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a des ambitions, elle a des rêves, elle a un combat à défendre. Et là, ça devient un danger pour le monde. À ce moment-là, on va l'éliminer. Je trouve que c'est pas humain. Et non. C'est pas humain. Et toutes ces femmes qui, après la guerre, qui sont oubliées, qui sont avec leurs enfants, qui sont oubliées en Afrique, toutes ces femmes qui font évoluer l'Afrique, mais qu'on ne parle pas. C'est vrai. C'est les hommes qui sont au devant. Pas que l'Afrique, les femmes elles sont partout. Et on reconnaît la force de la femme, c'est de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. C'est clair que physiquement, on n'a pas la force physique d'un homme. Mais on a une autre force que l'homme ignore. Donc à ce moment-là, il faut qu'on nous donne plus de place, à toi la place qu'on mérite, 50-50, pour que le monde avance. Et la femme, elle a une capacité d'unir, de réunir, elle a une capacité, l'amour fort d'une mère, tu vois. Donc, je crois que si une femme est demain est au pouvoir en Côte d'Ivoire, ça peut donner quelque chose de magique. C'est vrai. Oui. Donc, c'est ça. Donc, donnons plus la place à la femme et laissons-la s'exprimer parce qu'elle a des choses à dire. Et oui, de très belles choses. Et puis la femme, elle porte le monde quand même, hein. Elle porte la vie. Je vous avais prévenu, très très beau message de la part de Dobé aujourd'hui. Et donc, qui nous parle de son album Miziki qui sortira le 4 mai, mais pas que. On a vu sa position concernant l'Afrique, les femmes, les enfants, la langue maternelle et l'école. Tout un panel de choses très très importantes. Même vraiment, on ne peut pas passer à côté de tous ces messages là. Miziki, c'est l'album que Dobé nous présente. Elle livre un album plus électronique par ses samples et ses sonorités, et elle puise surtout dans ses racines, dans la boule de feu qui est en elle. Et c'est vraiment très très bon pour. La fin de cette émission, je vous propose un nouveau son, une nouvelle chanson de Dobé, un album complètement chanté en BT pour ce cinquième album que Dobé présente. Le prochain titre se nomme Africa. On se retrouvera juste après pour la toute fin de cette émission. Profitez bien de ce dernier son. À tout de suite. Berceau du monde, ta beauté m'enflamme comme le sourire de toutes ces femmes. Argile, peut-être le plus gris, plus mer. Voilà pour le titre Africa, sorti de l'album Miziki de Dobe Niaoré, qui sortira eh bien, le 4 mai, donc très très prochainement. 4 années ont été nécessaires pour composer cet album Miziki, qui est sans doute eh bien, l'album le plus audacieux, personnel et abouti de notre artiste Dobe. Un album rendant hommage aux deux principales causes qu'elle porte, l'Afrique riche, généreuse, unifiée, et la force des femmes africaines, porte-étendard d'une nouvelle génération africaine audacieuse et déterminée. Dobe célèbre dans ses paroles et sur scène eh bien, la femme vaillante, bienveillante et altruiste. Que de belles paroles, que de très très beaux messages passés aujourd'hui par cet artiste Dobe, que l'on retrouve tout de suite pour la toute dernière fin de notre émission. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes dans notre monde d'aujourd'hui, à votre avis, Dobe? Ah, il faut lui laisser la place, la laisser s'exprimer. Oui. Il faut donner l'éducation aux jeunes filles. Il faut arrêter l'excision. Il faut arrêter la barbarie, en tout cas. C'est vrai. Il faut arrêter. Il faut que nous, en tant qu'humains, on sache qu'on a, on a le choix de faire développer et faire évoluer notre monde différemment. On a le choix. On a cette capacité-là. Donc, donner la place et la parole à la femme et laissons-la nous guider vers quelque chose de nouveau. Quel beau message. Cette capacité-là. Un très beau message que nous passe notre artiste Dobe aujourd'hui. Vraiment, je suis conquise par tout ça. Une très très belle, personne avec de magnifiques paroles, que ce soit sur cet album ou en vrai. C'est vraiment super. J'espère pour toutes ces femmes du monde entier et puis pour toutes ces femmes d'Afrique, les choses bougeront. Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites, Inch'Allah. Un jour, voilà, le plus vite possible. Alors, il y a un titre sur cet album qui se nomme « Akissi la rebelle » et qui parlerait de la rebelle qui sera toujours en vous. C'est ça. Enfant, j'étais très rebelle, j'étais très garçon manqué comme ça, et je pense que pour qu'une femme, ou quiconque, mais en tout cas pour qu'une femme se réalise, il faut vraiment la laisser. Il faut la laisser s'exprimer, il faut la laisser évoluer. Et je dis ça parce que on a beaucoup de filles qui naissent ou qui grandissent avec une énergie masculine. Elles sont là et tantôt autour d'elles, en famille, on va entendre dire « Ah ça, une femme ne fait pas ça !»« Oui. Ah ça, une femme ne fait pas ça !»« Croise tes pieds !»« Fais ceci !» entre guillemets. Et je trouve que c'est enlever une certaine liberté. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'attitude. Il n'y a pas d'attitude. Il faut laisser la femme, si elle veut devenir un homme au niveau du caractère, parce que son caractère qui est un peu masculin va apporter quelque chose à l'humanité. C'est vrai. Donc, laissons les filles devenir des garçons, laissons les garçons devenir des filles. Et c'est le genre qui parlera de lui-même. Si tous les humains de cette planète pouvaient un jour avoir ce discours-là, eh bien, nous sauverions l'humanité toute entière. Ça, c'est garanti. Je suis vraiment conquise par tout ce que vous dites aujourd'hui. Et puis, eh ben, vous êtes exactement pile au bon endroit, parce que c'est vraiment des messages de paix et puis d'universalité que nous souhaitons passer ici à travers tout ce que nous faisons et continuons à avoir des discours de liberté pour l'humain. C'est ça, liberté pour l'humain. C'est très important. Alors, je rappelle que Miziki est l'album que notre artiste Dobe Niaoré sortira le 4 mai. C'est très, très bientôt. Sur cet album, 12 titres, tous aussi parlant les uns que les autres, avec eh bien, un rythme bien plus qu'entraînant. Hein. On a envie de bouger sur cet album. Il y a plein de messages forts, mais c'est aussi un album sur lequel on a envie de bouger et d'exprimer la personne qu'il y a en nous. Si on a envie de vous retrouver, ben ça se passe sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Vous tapez Dobe, D-O-B-E-T, Niaoré, G-N-A-H-O-R-E. Et de toute façon, nous retransmettrons toutes les informations utiles en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore un mot pour nous, Dobe? en cultivant tous l'amour, vraiment. Voilà. Le vrai. Et ben entre voilà. entre nous les humains, franchement. C'est parfait. Très beau message. Merci beaucoup, Dobe. Plein de bonnes choses pour la suite. Un très bon voyage, prochain à Abidjan, si j'ai bien compris. Hein. Et puis beaucoup d'amour à tous ceux que vous allez rencontrer là-bas de notre part, à nous ici. Et puis que votre musique, dépasse toutes les frontières et vos messages avec. Merci beaucoup, Dobe. À très bientôt. À très bientôt. Voilà pour cette émission d'aujourd'hui spécialement consacrée à Dobe Niaoré et à son nouvel album Miziki qui sortira le 4 mai. Vous avez bien compris, on n'a pas parlé que de musique pendant cette interview. Je remercie encore mille et une fois Dobe pour cette intervention que j'ai eu l'honneur de pouvoir récolter pour vous, tous nos auditeurs. Je vous fais de gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que le soleil est au rendez-vous. Je suis toujours en vacances. On se retrouve très très bientôt, mais surtout en attendant, n'oubliez pas, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road, cause I'm sipping pro, yeah, that meth is promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown.